بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان ليوم الدين، أما بعد. من المؤذن؟ ما معنى نادى ينادي؟ استعد يستعد، كبر يكبر، ظن يظن، صائم، إفطار، زائر، دارس، ركوع، سجود، رفع يرفع، رفع، معلم، التشهد، quand, comment, avec, quoi avec ma vocation qu'on fait en position assise en prière. Non. انتهى ينتهي المصلي التمرين كم من الدرس 25 كم الأول والثالث الأول والسادس من ال 25 نعم ايوا في واحد فقط في دونك درس 25 كان انسر في دونك دونك درس 24 كان انسر في 25 كان انسر في دونك درس 25 كان انسر أيوة يوسي أنا تصلي نسيت سلوك ما معنى وحده صفا 168 لا ولا نسألك في كلمات يوبيل أبخمي تكمسي بها الدرس الرابعة J'ai sauté un cours là, dans le vocabulaire. Il y en a un avant. Wahdahu. Non, voilà Wahdahu. Toi seul. Lui, c'est. Lui, c'est. Juz'un. Une partie. Jama'a. Le groupe. Amana yu'minu. Le croire. Da'a yad'u. Da'a. Dar yadro. Là, là, tu connais ça. C'est pas possible, tu connais pas. Dar yadro. Udo rabbak. Ah, ok. Ouais. Ah, Salla yusalli. Prier. Non. Et dans celui-là. Dans celui-là, oui, il y avait. Il y en avait un. Et dans l'autre, il y en a deux. C'est le khamis. طيب إملى الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة لما يلي طيب الجملة الأولى عندك هل حديث الشريف هو ما قاله قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفس النبي في هذا. ثانيا الصلاة في الجماعة أفضل من صلاتك Ou qui ou quel, ça dépend qui tu parles. Le plus important, c'est la harakat qui est sur le teint. Non. Thalithan. Non. Rabian. الذي يؤمن بالله يقول خيرا. نعم. خامسا محمد يقرأ جزء من القرآن. ها جزءا. محمد يقرأ جزءا من القرآن كل صباح. ثم هنا في دو il y avait le service achat sur et Tassia. Tamam. Sul awal man sami'a al muazzima yunadi lis salat. Muhammad sami'a al adhan. محمد سمع. ثانيا من أية ركعة بدأ محمد وعبد الله الصلاة؟ محمد وعبد الله بدأ الصلاة من الثاني. من الثاني. من أي ثاني؟ في الثاني على ركعة من الركعة الثانية. ثالثا كم ركعة صلاة العصر؟ ولا بامي ألف؟ كيف كتبت بدأ؟ Ouais, mais là, dans le verbe, là, il vient avant le fa'il. Dans ta phrase, tu as commencé par le muntada. Donc le fa'il doit le suivre. Pas pareil. Comment t'as écrit bada'a, toi? Moi, je l'ai dit comme dans la question. Eh ben, non. Parce que toi, t'as dit Mohammedun ou Abdullah. Bada'a. Là, faut que tu mettes un alif, alif l'ifnay. Ça revient à Mohammed Abdullah. Bada'a. Comment bada'a? Parce que là, ils sont arrivés après le verbe. Toi, tu les aimes bien avant le verbe. Oui, mais ça revient quand même à eux. Ça revient quand même à Mohamed et Abdullah. C'est eux qui ont commencé. Ah, ouais. Dans la question aussi, ils auraient dû mettre le alif. Non, parce que dans la question, ils ne commencent pas par eux deux. Et pas, là, c'est pas eux le Moutada. On l'a pris, ça, dans l'exercice, la dernière fois. Taïb. Taïb, Kem Rakaten, Salatul Asr. أربع ركعات. أيهما الأول، الركوع أم السجود؟ الركوع. السجود أم الجلوس؟ السجود قبل الجلوس. نعم. الثالث عشر، املأ الفراغات بكلمات مناسبة. طيب الجملة الأولى عندك يصلي المسلمون في المساجد. طيب ثانيا يقول الإمام عند الركوع التكبير لا التسبيح لا سي عند سي بوندون ان فيت pendant la phrase de l'Azim. un tasbih. Sahih. Farifan. Salatu jama'a afdalu min salati ahadikum. D'après, je ne vais pas connaître. Fait une mécanique. Là, pour moi, il a la phrase, elle est complète. Ah bon? Ouais, mais... La salade en groupe est meilleure que la salade de l'un d'entre vous. C'est complet? Tu peux être en groupe, sa salade? Aïe, moi. Ou Wardahou, plutôt, parce qu'on ne sait pas tous une jamara à la maison. Donc le mieux, c'est de mettre Wardahou. Il faut l'être ahadikoum, wahdahu. Tout seul, en fait. Rabi'an. Al-mu'adhinu, Rabi'an. Al-mu'adhinu, yunadi li salat. Naam. Khamisan. Yalqawu al-imam, khutbat al-jama'a. Naam. المصلون يقفون خلف الإمام. سابعا انتهى عبد الله استنشاق الوضوء. لا وضوء ماذا كتبت انت؟ جي با اكري سولا مي سي إذا أداء الصلاة أداء الوضوء. لا انتهى عبد الله من الوضوء. كمل تكمل الوضوء. نعم. ماذا بدي أقول؟ فاضي. دفع الوضوء. بدي أوصي أداء كم تجد انتهى أداء الوضوء. ثامنا. استعد محمد لأداء الصلاة. لأداء لأداء الصلاة. تاسعا ذهب محمد طيب الآن سندخل في الدرس 26 استعدوا لنوت طويل شوية طبعا هيا نذهب لصلاة الجمعة علي نسرع على صلاة الجمعة كلمات جديدة اغتسل يغتسل هسي في الغسل سلافي سلافي تيبب يتيبب سي سي بارفومي مي دو تيب بارفان تيب كوم يجي ابخس البارفان القرآن الكريم معروف هو كلام الله صف أغو خطبة يسمى سيرمون ديسكور سيرمون تعلم يتعلم سي apprendre apprendre أحب يحب سيمي إيمي أتى يأتي سي أريفي أو فينيا أبوكي أبوكي كل شيء. هذا سي تي مي حرف جر دايا سي C'est venir ou arriver.

que le maçon a dit, ça vient de quoi? En vrai, ça vient de d'après Vor jusqu'au milieu de la nuit. Sani Achar al-Jawab, Hina Ghuroub al-Shams. Bah oui, la nuit en fait. Au moment où se couche le soleil. Ghuroub. Non. C'est quitter, non? Non. Couché. Couché. Couché. Matin, tartasilou les salats du Jumu'ah. Quand te lèves-tu pour la salat du Jumu'ah? Il dit, Hina asma'u al-azan al-awwal. Au moment où j'attends. Où j'entends le premier azan. Et ça, n'ahuq l'azan al-awwal, le jumu'ah. L'azan al-awwal, le jumu'ah. N'ahuq mou. C'est quoi le jugement qui se rapporte au fait de faire le premier azan du jumu'ah avant que l'imam ne se mette sur le minbar? C'est un khulafa qui était. C'est Othman, qui l'a fait. Cependant, cet acte ne porte la sunnah. C'est un ijtihad de lui qu'il a fait. Vous voyez, vous voyez, le hadith, hadith Mohammed. La meilleure des guidées, c'est la guidée de Mohammed. Et ça, c'est une des choses qu'ils ont essayé de faire croire à Shayahia qu'il a rendu Hoffman Mubtadir. Alors, c'est pas vrai. Mais l'action elle-même de Hoffman, c'est une, ce qu'on comme bid'a. Et des salafs l'ont dit. Ibn Norman, il l'a dit. Même les salafs, ils l'ont dit. Chez Mohdef. Ils ont dit qu'il fallait pas le faire. Lui, il a fait pourquoi? Pour un intérêt du fait que. Les gens n'entendaient pas dans les souks ou dans les lieux qui avoisinaient le mezine, ils n'entendaient pas l'appel. Donc lui, pour une maslaha, pour un intérêt, il faisait un premier appel pour leur faire un tambi, attention, la salat elle est bientôt. Donc il se prépare. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire même ce que Hoffman il a fait, aujourd'hui les gens ne font pas comme ça. C'est-à-dire là, c'est dans le mezine, le signe fait la veine, il s'en va, on est tous là. Je ne sais pas pourquoi il fait la veine. Après, l'imam il arrive. Ils vont sur le minbar et là ils font l'azan. Et c'est celui le vrai azan du Jumu'ah. C'est celui où l'imam il monte sur le minbar. Et c'est celui qui avait lieu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait d'azan avant, le Jumu'ah, jamais. Ça c'est une chose nouvelle qui a été faite. Là, comme le Mali sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'tahd al-qadi wa asab falaw ajran wa iza akhta falaw ajr. C'est-à-dire celui qui émet une fatwa ou quoi, et qui, bien sûr qu'il est sincère, s'il émet un jugement, s'il se trompe, il a une seule récompense pour les chiites qu'il a fait. Et si jamais il a atteint le but, il a raison, il a deux récompenses. Nous, on a pris ce hadith-là sur Hoffman. Mais les gens derrière, quand on leur donne le hudja que le prophète Mohammed sallam n'a pas fait, on n'a pas à le faire. Hoffman, les sahabi, son fi'al ou sa parole, ce n'est pas un dalil à la base. À part si il coïncide avec un hadith. Mais s'il fait une chose, il n'a pas de dalil derrière. Et que d'autres sahaba l'ont contredit là-dessus, c'est pas un argument à prendre. Et on a trouvé le normal, ça dit que ce hadith c'était une bid'a. Donc le fait de tomber sur Shariah comme ça, comme s'il réfléchit pas quoi, Shariah dans son livre, Arkham Jumu'ah, il est mieux qu'à quoi des salaires, c'est pas son jugement à lui. Tant mieux les contemporains, les Charles Bani, Shem Mobile, qui nous dit faut pas le faire. Ça veut dire faut pas le faire. Vous voyez, c'est Hoffman qui l'a fait, et nous on a été ordonné de suivre Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de suivre les quatre califes bien guidés, cependant dans quoi? Lorsqu'ils ont suivi le prophète Mohammed sallam. Ou une chose qu'ils ont fait shihad et qui ne contredit pas la sunna. Donc ça c'est du cinéma qu'ils ont fait, juste pourquoi Salih Shayahia dire que les Shayahia c'est pas le premier à l'avoir dit. Donc s'il dit ça, normalement il dit bid'a. Ils vont leur dire quoi à lui? Vous défiez de parler sur lui, si vous êtes des hommes. C'est juste que ça, ces gens-là, c'est pas le haq qu'ils veulent, c'est juste salir l'image de quelqu'un. Voilà. Donc ce Azan Awel, voyez, c'est pas le sunnah du tout. Malheureusement, elle a été propagée dans tous les sens, et la preuve que c'est pas le sunnah, aujourd'hui, il arrive à un stade où il fait n'importe comment. Ils ne font même pas comme Hoffman il a fait. Ça n'a rien à voir comment ils le font. Ça n'a rien à voir. Et tu leur dis, vous faites pas ça, ils font des sauts, mon frère, on dit, tu fais rouquia. Donc Azan Awel, le Jumu'ah, lorsque l'imam, il monte sur minbar. Et le Azan Thani, c'est du Qawama. Au moment où il appelle, il fait pas la salat. Cette phrase-là, ça sous-entend une innovation, en fait. Eh oui, mais c'est juste qui est répandu. Dans plein de pays, tu vas trouver ça. C'est devenu une sunna pour les gens, tu vois. Ça dépend chez qui tu vas. Fanien, Imran Farahat, Biwad, El Mounassib, Mimma, Bayan Kosein. Donc mettre parmi les mots là, exposés, entre parenthèses, dans les trous. Tanamu, tu dors. Tusri'u. Tu te dépêches. Min Asra et Osléo se dépêcher. Tadhabou, Marouf, tu vas. Ta'ti, tu arrives. Takra'ou, tu lis ou tu récites. Tatroulou, tu rentres. Tardizou, tu réserves. Tasmaou, tu entends. Takriban, à peu près approximativement. Non. Juste, on lit les phrases pour faire, ça c'est bien compris. Comprise. Aboulen, Sayoukim Fola, Hina, M, El Adan. Donc la salat va être établie au moment où l'Adan. Fanien, Satusafiru, Hina, M, Makadan. Tu vas voyager au moment où tu assièges. Farisan, Satatakadam, Fidjirasa, Hina, Kafiran. Donc tu vas évoluer. Tatakadam, c'est en fait c'est avancer, mais là il veut dire tu vas progresser. Dans les études, au moment où beaucoup. Rabian, tatata'allam al-kitabata hina fara al-madrasa. Tu vas apprendre l'écriture au moment où ou quand tu trouves l'école. Khamisan, fatushahidu al-la'ib hina fara ila al-mal'ab. Donc tu vas voir les joueurs au moment où tu es rendu au stade. L'exemple, celui-là, il est qabih. Sadisan, sta'alifu al-natija hina fara min al-mukhtabar. Donc tu vas connaître les résultats au moment où du laboratoire. Sabian, satasilu mubakkiran hina fara fil-mashi. Tu vas arriver tôt au moment où trop dans la marche. Allez, ton allure quoi. Faminan, satajidu al-raha hina fara qaliran. Tu vas trouver le repos au moment où un peu. Tasian, il en reste encore. Fatuhbitu al-ta'ira fi sa'ati tasi'ati tamaman wa fayadkhulu al-rukab sarat as-safar fi tasi'ati wa nisf. Donc il dit l'avion va atterrir à 9h pile et les passagers vont rentrer dans la salle d'accueil ou de voyage, d'embarquement ou d'arrivée plutôt. Fi tasi'a wa nisf à 9h30. Et là, il faut mettre le mot dans le trou. Allez, maintenant, il va vous apprendre quoi ? Le lem am qu'on vient de prendre là. Pour pouvoir donner un ordre à autre que al-bukhatum. Fa'alifan, istami'u raddid. Fa'alinusli'u. Kay, nasil, mubakirin. Donc, que nous dépêchions afin d'arriver tôt. Fa'alien, fa'natrul. Kay, natanawala, shay'an, nita'am. Que nous rentrions afin de pouvoir prendre quelque chose à manger. Donc comme vous avez dit, le fa et le lem, c'est deux. C'est hadan harfan, voyez, dakhilan al fi'l. Faut ajouter. C'est obligatoire aussi le fa. Là, ça dépend de ce que tu veux dire devant. Thalithan, falnasil mubakkirina kay najlisa fi saf al awwal. Que nous arrivions tôt afin de nous asseoir au premier rang. On a dit kay, le verbe qui vient après kay, et morceau. Donc il y a une fatra ou les choses qui remplacent la fatra. Rabi'an, falanstarid, que nous sommes liés à l'Jumu'a, que nous préparions afin de pouvoir faire la salat du Jumu'a. Khamisan, falnardiz, que natanakken min al-safar, alors que nous réservions afin que nous puissions entreprendre le voyage. Tanakkena, yani, c'est un sens vaste qui veut dire avoir le contrôle d'une chose. Expérimenter ou avoir la possibilité de faire une chose. Donc là, c'est plutôt que nous puissions voyager, bon, en fait. Là. C'est quoi, de posséder quelque chose, la possibilité de faire quelque chose ou de maîtriser une chose, si ça dépend. Là, en fait, on dirait que nous puissions. On traduit par istitara. Et le verbe, c'est tamakkana et tamakkano. Par exemple, atalib ou tamakkin. C'est un talib qui est expérimenté, qui maîtrise en ce qu'il fait, ma salam. C'est maîtriser une chose. Ça dépend de la foi, ça peut être ça. Mais là, c'est pas maîtriser le voyage qu'ils veulent. C'est pouvoir voyager, en fait. C'est comme ça vient de Amkana Mumkin, qui veut dire possible. C'est le même ensi. Talib, c'est le même ensi. Tradition. Farnar Kab, Kei, Nasila Kabl, Essaati Rabia. Que nous montions ou nous embarquions. Afin que nous arrivions avant 4 heures. Sabian, fal nanem kay najid araha. que nous dormions, afin que nous trouvions du repos. Ou afin de trouver du repos. Faminan, falnadrus, kay nata'allam qira'at al-Qur'an. Que nous étudions afin de pouvoir apprendre la lecture du Coran. Afin que nous puissions apprendre la lecture du Coran. Tasiran, falnatawadda, kay nusalli. Que nous fassions nos dos afin de pouvoir faire la salat. Que nous puissions faire salat. Ashiran, falnubakir, kay nasma'a al-khutba. Que nous arrivions tôt afin que nous puissions entendre la khutba. On peut dire que Kay est plus fait pour après un verbe, alors que Li. Il rentre dans les deux. Kay, généralement, je l'ai vu que dans. Sur le Afal, je ne l'ai pas vu sur le Asma. طيب رابعا املا الفراغات بوضع الفعل المضارع المناسب مما بين قوسين. Donc, remplis les trous avec le verbe au présent qui correspond dans ce qui est entre parenthèses. Nakul, nous mangeons. Nastakbil, nous recevons. Natamakken, là ça dépend. C'est où nous puissions. Nualij, nous soignons. Ouais. Nushahid, nous contemplons, nous regardons. Narkab, nous montons, nous embarquons. Nakra, nous lisons. Nastafid, nous profitons. Nous salli, nous faisons la salat. Nastaid, nous préparons. C'est la phrase. Al-Ula, falanastaid kay fara asolat fi mu'idiha. Donc que nous préparions afin que nous trouvions la salat en son temps. La mu'id, à la base, c'est un rendez-vous. Et ce qu'il veut dire par là, c'est le temps de la salat. Faliyan, falnastami kay fara min ad-dars. Que nous écoutions afin que le trou du cours. Falifan, falnasil mubakirin kay fara shay'an min al-Qur'an. Que nous arrivions tôt afin de trouver quelque chose du Coran. Rabian, falnatayyib kay fara is-salat al-jumu'ah. Que nous parfumions afin de trouver pour la salat du jumu'ah. Khamisan, falna'mal al-fahs kay trou al-marad, que nous fassions un examen afin de trou le malade ou la maladie plutôt. Sadisan, falnadhhab ila al-mal'ab kay fara al-la'ibin. Elle a metté nadrib. Mettez nadrib ou non. Aïe. Que nous allions au terrain afin que nous frappions les joueurs. Ah là, ceux qui sont en short. Qui sont rasés en short et qui sont passés tout à l'heure. Aïe. Kenadriba al-la'ibin. Voilà, on dit comme ça. Attention, là je vise des joueurs particuliers. Hein. C'est pas tout ça qui joue au foot. Je pense celui qui est en short. Vous voyez, c'est un salat, il est en train de dire ouais, attends, il y a un penalty ou je sais pas quoi. Je parle de ça là, tu vois. Sabi'an, falnatawajjah. Il est le motor Kay Fara Zahir. Que nous dirigeons à l'aéroport afin de trouver le visiteur. Faminan, falnatroul al-mat'am Kay Fara al-ta'am. Que nous rentrions dans le restaurant afin de trouver la nourriture ou le manger. Tasian, falnusrir Kay Fara al-hafila. Que nous dépêchions afin de trouver le bus ou le car. Ashiran, فالنعجز كي فراء للسفر. Que nous réservions afin de trop de voyage. Beaucoup de phrases ressemblent à celles d'avant. Beaucoup de phrases sont les mêmes que celles de l'Iskamir ou Raddit d'avant. Taïba, appelle-moi d'autres quand on rentre qu'un dans une phrase où il y a déjà un verbe moudalia dedans. Ça amène à quel temps en français? نعم كما سياتي الان. خامسا استمعوا وردد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. لوجيك سي النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. هذا لوجيك دو لا فاز. اي كان اون راجوتي pour changer le temps. Donc là, à la base, c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم aime le parfum. Et on met كان, ça veut dire aimer le parfum. On va traduire un imparfait, une chose qui a l'habitude de faire, qui est accoutumée. Une question, on aurait pu mettre. Parce que moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est le placement, tu vois, des mots. Kana, كان يحب الدين. نعم تقدر تقول تقدر تقول كما هذا aussi le sens sera le même. Le type, ça parle sur le médecine aussi. Le type. Médecine. Tant et ben, il n'y a pas de dia. Fanien, Kana Mahmoudoun Yakaro al-Kitab. Mahmoud lisait le livre. À la base, c'est Mahmoud Yakaro al-Kitab. À la base, on a montré un khabar. Et Kana, il rentre dessus. Taïen, Mahmoud, là, c'est quoi son yarab, Daoud? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Ism Kana. Naam. Et le Khabar, on l'appelle Khabar Kana. Et le Khabar Kana, il est comme le Khabar Mubtada. Ça peut être un Ism tout seul, ça peut être un Jar en Majour, ça peut être un Zorf, ça peut être une Jumma Fi'liya ou Jumma Ismiya. C'est la même chose. Donc on l'appelle Khabar Kana. Et là, pour cet exemple, Khabar Kana, Jumma Fi'liya. C'est une verbe, une phrase verbale. Et le cas, quand ça commence par Kana, c'est une phrase verbale? Pas forcément. Kana Mahmoudoun. Qa'iman. Mahmoud était debout. Là, c'est pas une phrase là. Qa'iman, c'est un ism mufrad là. La phrase en elle-même. Ouais. Lui parle du khabar, je pense, non? Non, je parle de la phrase. Ah ouais, si Kana est en dehors, c'est dans les jumelles chaliya. Non. Salisan, Kana Younous, c'est un awalou al-djubn. Ou al-bayd. Donc Younous mangeait du fromage et de l'œuf. Et l'œuf plutôt. Le fromage et l'œuf. Djoubl, c'est le fromage. Al-Bayd, c'est l'œuf. Rabi'an, Kana al-Tiflu yuhibbu al-Halib. L'enfant ou le petit aimait le lait. Khamisan, Kana al-Hafilatu tusri'u fit-tariq. Vous voyez, le bus allait vite sur la route. Et là, on a mis Tatanif parce que Hafila, les moins neuf. On est même avec le verbe. Mais attention, comme on a dit, le isme al-marfou qui vient après kana, c'est pas un fa'il. C'est isme kana, il s'appelle. Attention à ça. Sadisan, kana salimun yaskunu fil funduq. Donc Salim habitait dans l'hôtel. Sabi'an, kana talibu yubakkiru fil hudur. Donc l'étudiant, vous voyez, arrivait tôt en fait. C'est en fait qu'il faisait tôt dans l'arrivée, mais nous on va dire en français arrivait tôt. C'est dans un de Hadaru Yahdoulou, se présenter, être présent. Faminan, Kana Tabibu Yafhasu al-Marid. Donc le médecin examinait le malade, auscultait le malade. Tasian, Kana al-Muazzinu Yunadi al-Jumu'ah. Donc le Muazzin faisait l'appel pour Jumu'ah. Ashiran, Kana Mahmoud Yusalli fi Hujratihi. Ya Mahmoud al-Ahidik. À part s'il était malade et qu'il n'y excuse. Mahmoud faisait la salade dans sa chambre. Ou alors, que tu n'as chila. Salade n'a chila, à Arsène. Mais vu le texte qu'il y avait avant, je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'au début, dans le texte d'avant, il ne parle pas de Nashila. Il parle de salade. Donc là, quand même. Ah, c'est pas un jumoir, là, c'est le genre. Ouais, mais. Notre rapport de balle chez lui, il écoute. Je suis des mains chez moi. حالي عشر كان خالدون يؤذي عفوا ليس تؤذي يعني يؤذي كذل سي faire du mal et يؤدي c'est le verbe de أدى يؤدي on a pris le mot أدى qui veut dire quoi أدى accomplissement c'est l'origine de ce verbe là كان خالدون يؤدي تحية المسجد donc خالد faisait les deux rakats en fait de تحية المسجد le salut de la mosquée. Voyez, ça a dit ça, là en fait il va faire appliquer ce qu'on vient de lire là. Adda, Hamza, Del Bouchadda, Bouchaddada, et Alif Maksoura, comme Boussa. Donc ça a dit ça, maintenant il va vouloir que vous fassiez. Et on va le faire ensemble, monsieur là. Ça en fait c'est appliquer ce qu'on vient de lire là. Kana. Yaqul. Ajib kana fil namouzaji, réponds comme dans l'exemple. Kana al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tayyib. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum. Al muslimu, entre parenthèses, on dit kana al muslimu yuhibbu at-tayyib. Donc à la place de Nabi, on a mis al muslimu. C'est un peu le foie gras dans l'orang. Ils ont tout mélangé là. Toi, tu fais une phrase avec le 1 et le 2 ensemble. Qui? Toi. Avec le walad. Walad. Naam. Kana al-waladu yata'allamu al-qira'a. Naam. Kana al-waladu yata'allamu al-qira'a. Toi, yata'allamu al-qira'a. Fais pareil, toi, sauf que à la place de qira'a, tu mets kitaba, et à la place de walad, tu mets rajul. Tfaddal. Qu'est-ce que tu as dit? Sibaha, c'est la natation, la nage. Et toi, la dernière. Là, c'est pas un sod. Non. Ça y est. Ah, c'est marqué fou, non ? Non, c'est celui-là qui est long, là, plus haute. Puis sur elle ? Hein ? Sur elle ? Il a pris le là-haut. Non, il a pris le là-haut.